Gorillaz, nouvel album Cracker Island. Le quatuor virtuel mené par Damon Albarn s'entoure de featuring d'exception sur un 8e album exaltant et optimiste. Gorillaz, nouvel album disponible dès maintenant. France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, une figure de la chronique judiciaire, Roger Knobelspies. Et il est de ces prisonniers français qui ont marqué l'imaginaire collectif par leur cavale, leur CV de malfrat et leur tentative d'évasion spectaculaire. Jacques Mesrine, Carlos, Redouane Faïd, même à l'ombre, ceux-là arrivent à braquer sur eux la lumière des projecteurs. Et parmi eux, il y a un cas particulier, celui de Knobelspies, qui s'est fait connaître par son engagement, disons-le, politique. À partir des années 80, il se raconte dans 8 livres, écrit des tribunes dans la presse, écume les plateaux de télé. Il devient le symbole de la lutte contre les erreurs judiciaires et la monstruosité d'un système carcéral immuable dont les QHS, quartiers dits de haute sécurité, où l'on enfermait un détenu entre quatre murs, très rapproché, sans sortie ou presque, sans aucun contact avec les autres détenus, une version moderne des oubliettes du Moyen-Âge, tout aussi cruelle et inhumaine que la gauche a aboli en 1982 au profit des quartiers d'isolement au régime moins dur, en théorie. Et puis, plongé dans le passé de Knobelspies, sa vie, son récit, s'est entré dans un déterminisme social qu'il appelle, lui, l'injustice du sort. Une naissance en 47 dans le quart monde qu'il aurait destiné à l'enfermement à Fresnes, Colmar ou Fleury-Mérogis. Au bout du compte, et quoi qu'il en soit, 26 ans de placard, près de la moitié de sa vie d'adulte. Notre invité aujourd'hui, Dominique Simoneau, journaliste spécialisé dans les affaires judiciaires et aujourd'hui contrôleur général des lieux de privation de liberté depuis octobre dernier. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA. Récit documentaire Constance Villanova, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyen Nguyen. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Roger Knobelspies, né le 15 septembre 1947 à Elbeuf, en Seine-Maritime, une cité ouvrière, grise et normande, en bord de Seine, où l'industrie chimique a remplacé celle du textile. Les jours de paye, on se retrouve au bistrot entre Elbeuviens, pour une aimable Elbeuverie, histoire d'oublier un peu la pauvreté. Planté devant l'église Saint-Jean, noirci par les pots d'échappement, se trouve le baraquement des Knobelspies. Les clopes, comme on les appelle ici. Il y a Édouard, Thérèse, Jean, Élise, Ghislaine, Jacques, Francine et bien sûr Roger. 8 enfants élevés par les parents Joseph et Gabriel. 8 têtes blondes qui baignent dans la fumée des gauloises bleues de la mer. La famille cohabite dans les 4 pièces de cette baraque insalubre, sans chauffage. Avec l'impression, dès l'enfance, d'appartenir à une sous-espèce, dira Roger. Les jours maigres, il faut aller à la soupe populaire et c'est lui qui s'y colle. Il blottit l'énorme marmite de soupe dans ses petits bras et déambule dans les rues d'Elbeuf. Ses camarades d'école le ridiculisent pour son cartable limé, ses vêtements dénichés chez les petites sœurs des pauvres. La cruauté des mômes l'affuble du surnom « Mégo ». Alors, l'école, Roger l'abandonne très vite, à 14 ans. Avec son frère Jean, un an plus âgé, il aide son père, Joseph, au boulot. Rebaptisé « Tonton la débrouille » par ses collègues de bistrot, le père Knobelspies est ramoneur, ferrailleur, chapardeur, occasionnel et alcoolique notoire. Dans son livre « Voleur de poules » paru chez Flammarion en 1991, Roger Knobelspies raconte ce patriarche. Il a des soirs où il a le picrate mauvais. Ça gueule, ça cogne, ça déménage le buffet. On se tire et on va dormir dans une salle de la mairie sur le plancher. La mère Gabi crapahute et s'arrache avec sa marmaille dans les jambes pendant qu'il cuve sa vinasse. L'œil fou, l'œil tellement mauvais que ce n'est plus lui. Ce n'est plus le père mais un étranger, un ennemi. On n'ose pas s'approcher de lui. Le lendemain, Gabi nous ramène au logis. Pas lavé, décoiffé, le ventre creux. Tonton est debout en train de rafistoler tout ce qu'il a cassé la veille. Il ne dit rien. Gabi non plus, les enfants aussi se taisent. La débrouille, Roger l'apprend grâce à son père. Le vol également. En 1966, à 19 ans, il est condamné à 3 ans de détention. Digne hérétique du père. Le 20 mai 1969, il sort. Mais pas tout à fait libre. Non. À peine la grille de la prison passée, des militaires le cueillent. Allez mon gars, service militaire. Et on sait qu'une année à l'armée, ce n'est pas le paradis, même si on le compare à la prison. Bien plus dur. Mais Knebel Spies est un rebelle, alors il profite de l'inattention d'un soldat pour sauter la voiture et se perdre dans la foule. Une semaine de liberté retrouvée. Une semaine seulement, car il est vite rattrapé. Et cette fois, emprisonné à Évreux. Isolé, déjà, dans la cellule 13 de cet établissement lugubre, il crève de solitude. Il en a pour 2 ou 3 ans. Mais voilà, c'était sans compter sur ce fait divers qui vient le rattraper. Dans la nuit du 25 au 26 mai 69, le long de l'ARN 13, un pompiste est agressé. Il explique à la police qu'il a dû remettre la totalité du tiroir caisse, soit 800 francs, à un duo de malfrats qui le menaçait avec un revolver. Bon, hold-up classique pour un faible butin. À la gendarmerie de Bernay dans l'Eure, un certain François M. reconnaît les faits, mais dit avoir agi sous la contrainte d'une arme tenue par un certain Roger Knobelspies. Mais Knop ne s'inquiète pas. Ce soir-là, le jeune Normand profite de sa cavale au bal de la Saint-Jean à la Malherbe avec sa sœur. L'occasion de fêter sa liberté et de rencontrer son futur beau-frère. Car Roger est innocent et rien ne l'incrimine. La Citroën qui a permis le modeste braquage a été volée le 13 mai 1969 alors qu'il était derrière les barreaux. Puis, le poste de radio qui se situait à l'origine dans ce véhicule a été retrouvé dans celui d'un ami de François M. Bref, Roger Knobelspies, de retour en prison pour ne pas s'être plié au service obligatoire, ne s'inquiète pas. D'autant qu'un événement vient bouleverser sa vie de détenu. Dans son livre « Désordre de mémoire » publié en 2004, il raconte ce qui l'a rendu inconsolable et toujours plus en colère. Mon frère Jean est abattu au cours d'un cambriolage, au volant d'une voiture, pendant qu'un complice vole quelques transistors. De son appartement situé au premier étage, le commerçant tire à 5 reprises en direction du conducteur. Mon frère est touché à la tête, il perd son sang, son complice se met au volant, il fonce vers l'hôpital et disparaît sans donner son identité. Mon frère Jean a été tué sur le coup. À l'enterrement, ma mère Gaby demande à ce qu'on ouvre le cercueil. Le commissaire s'y oppose. « On ne peut pas, madame. Il a été autopsié, il n'est pas beau à voir. »« C'est mon fils, dit-elle. Elle pleure, elle insiste. » Le commissaire lui répond « Vous n'aviez qu'à mieux l'élever. » Pendant qu'il fait son deuil, l'enquête sur le hold-up du pompiste avance. Mais pourquoi Knobelspies a-t-il été cité par François M. Après tout, les deux hommes se connaissent à cause d'une histoire de cœur, rien de plus. Une guéguerre pour une fille entre deux bandits. Mais François M. savait que Knop sortait de prison et il savait qu'avec ses antécédents-là, la police pourrait en faire un coupable idéal. De fait, en 70, flanqués de leurs chiens, ils viennent le chercher dans sa cellule, direction la gendarmerie de Bernay, pour une confrontation. Alors qu'il clame son innocence, le juge d'instruction lui rétorque « Les gens comme vous ne devraient jamais être libérés ». Quant à sa présence au bal de la Saint-Jean au moment des faits, un alibi de la tribu, selon le magistrat. Entre membres d'une famille de voleurs, hein, on se protège. L'avocat de Knobelspies lui conseille de demander l'incompétence du tribunal correctionnel pour un jugement en cour d'assises où il sera beaucoup plus aisé de l'innocenter. Funeste coup de main de l'homme de loi. Knobelspies est jugé aux assises d'Évreux le 4 mars, mais le scénario n'est pas du tout celui qu'il avait envisagé, comme le journal local Paris-Normandie le raconte. Une banale agression de pompiste, un vol de 800 francs, a retenu samedi l'attention des jurés. Tant que l'on verra grandir le nombre d'agressions à main armée, d'audacieux cambriolages et vols en tout genre, les avocats devront se méfier des décisions des jurys qui ont la main lourde. Les antécédents ont pesé plus lourd que les faits eux-mêmes. Il est possible que les vaines protestations d'innocence de Roger Knobelspies aient joué un rôle dans ce verdict sévère. C'est le basculement. Une journée de procès, une demi-heure délibérée. Le délibéré, le verdict tombe, 15 ans de prison pour 800 francs. L'enfant d'Elbeuf en est persuadé. Il est victime de son nom de famille, ou plutôt du meurtre de son frère en janvier 71 par un commerçant. Au moment des faits, des pétitions avaient été activement relayées pour que le commerçant en question ne soit pas inquiété par la justice. Selon Roger, pour blanchir le coupable, il fallait que sa victime fût le frère d'un autre dangereux criminel. Celui qui a tué reste libre, celui qui n'a rien fait affronte le deuil, enfermé. C'est ainsi qu'à 25 ans, Roger retourne en prison. Et c'est le début de l'enfer, de l'isolement dans les quartiers de sécurité renforcés qui deviendront plus tard les fameux QHS. Ces machines à broyer les détenus, à aliéner les hommes et à fabriquer des fauves, dénoncent les défenseurs des droits de l'homme. Dans ces cellules, au mobilier scellé, au cas où le détenu voudrait suicider à coups de chasse d'eau, et aux vitres opaques, au cas où il voudrait apercevoir la vie, sont coincés les prisonniers les plus dangereux selon la justice et, parmi eux, Knobelspies. L'électricité y est allumée toute la nuit. Une seule promenade par jour est autorisée. Et puis, infernal, une voix dans les haut-parleurs résonne en permanence. Bloc des troisième étage. Bloc des troisième. Envoyez. Dans les années 70 en France, la prison sort de l'ombre et Roger Knobelspies devient porte-parole de la lutte contre les conditions indignes d'incarcération dans une démocratie censée être un minimum humaine dans sa lutte contre la délinquance. Dès l'année 71, les cercles d'intellectuels parisiens soulignent ce scandale. 3 ans après mai 68, le vent de liberté révolutionnaire qui a bouleversé la société française souffle sur un régime carcéral inchangé depuis les années 20. Le philosophe Michel Foucault, l'écrivain Jean-Marie Domenac et l'historien Pierre Vidal-Naquet créent le GIP, le groupe d'intervention sur les prisons. La gauche s'empare de la question carcérale. L'opinion y est sensibilisée et les médias servent de caisse de résonance. Parmi eux, et avant tout, Libération, qui donne la parole aux prisonniers et devient leur journal. Derrière les grilles, pour se faire entendre, les détenus se rebellent ou se mutinent. Prise en otage de gardiens, agression de personnel ou mouvements pacifistes, comme les grèves de la faim ou les sit-ins. Tout cela rythme la vie carcérale des années 70. La prison s'ouvre sur le monde. Les journaux, la télé y sont autorisés. Les détenus s'organisent et fondent par exemple le comité d'action des prisonniers ou le CAP ou le CAP qui dénonce le quotidien en détention. Roger, la fermeture s'il te plaît. Ouais, ça va de suite. Merci. À Toul en 71, à Nancy en 72, les prisonniers se soulèvent, dressent des barricades comme dans les rues de l'Hexagone quelques années plus tôt. À l'été 74, c'est carrément la révolution. 9 prisons sont partiellement détruites par les mutineries et leur répression. Cet été de résistance fera entre 6 et 8 morts chez les détenus. À cette période, Roger Knobelspies, 27 ans, est baladé de quartiers de sécurité renforcés en prison psychiatrique, d'Évreux jusqu'à Château-Thierry, en passant par Fresnes et La Santé à Paris. Avec brio, le gamin miséreux d'Elbeuf manie le verbe, expose à la presse les revendications de ses co-détenus, dénonce des suicides toujours plus nombreux. Bref, il ne lâche rien. Malgré les roustes des matons, les fouilles toujours plus poussées, il arrête de s'alimenter, rejoint les combats et en crée de nouveaux. Et toujours, il clame son innocence. En 74, l'avocat général qui a requis contre lui reconnaît l'extravagance de sa peine, 15 ans de prison pour 800 francs. Et il demande une révision du procès. Demande rejetée. Au même moment, les autorités comprennent qu'une réforme pénitentiaire est inévitable. C'est le garde des Sceaux, Jean Le Canuet, qui la met en œuvre en mai 75. Les conditions de détention sont améliorées, les mesures d'aménagement d'exécution de peine sont assouplies. Mais unanime, les détenus et la gauche critiquent une réforme de façade. Parce que Le Canuet n'a pas supprimé l'isolement et les quartiers de sécurité renforcés, il a même créé une nouvelle mécanique anti-récidive, les QHS, quartiers de haute sécurité. Le militant de l'extrême gauche, Charlie Bauer, qui a passé 10 mois dans cet enfer, témoigne dans un reportage de France Inter en 1978. Le surveillant-chef, à l'époque, on tient ce propos. Bon, vous savez où vous êtes ici. Moi, de lui répondre, je ne vois pas du tout que la spécialité est dans cette maison. Il m'a dit, bon, ben, on se charge de vous le faire comprendre. Le ton était donné. Foutez-vous à poil. À poil, bon, ben, c'est la fouille corporelle. Des fouilles que j'ai connues 7 fois par jour. Là, on nous donne des affaires, un pantalon trop court, bien évidemment, la veste, je ne rentre pas dedans, tout est chiffonné, tout est dégueulasse, pourri. On intériorise, sa peur, ses peurs, car la peur vous tenaille le ventre. On intériorise la peur de nous-mêmes, car on a peur que de nous-mêmes, on a peur que des réactions dont on est capable. On a peur de cette haine qui nous envahit, de cette haine qui nous réveille en pleine nuit en hurlant. On fait de nous des kamikazes, des types qui disent, ma foi, mieux vaut la mort que de vivre ce que je vis, car ce n'est pas la vie, c'est la mort. Dans ces cellules réservées aux prisonniers reconnus comme dangereux, la surveillance est permanente, étouffante. Du côté de l'administration pénitentiaire, on maintient la nécessité des QHS. Ils protégeraient le personnel et éviteraient d'éventuelles évasions. Écoutez ce qu'en dit ce surveillant chef du QHS de Fresnes, qui témoigne pour France 2 en 1981. Évidemment, lui, le détenu va vous dire que c'est dur, parce que c'est pas... Mais vous pensez que c'est dur? Ça dépend. Le détenu qui peut supporter l'isolement, le régime n'est pas dur. Parce que disons que maintenant, en plus, ils ont des contacts à 2 détenus, c'est-à-dire aux promenades à 2, à la télévision à 2. Donc ce n'est pas dur. Non. Qu'est-ce que vous pensez des quartiers de haute sécurité? Je préfère pas vous répondre parce que... Parce que quoi? C'est-à-dire que les quartiers de sécurité sont nécessaires. Sont nécessaires... C'est nécessaire. Considéré comme dangereux pour son engagement anticarcéral, à force de séjour en QHS, Knobel Spies craint pour sa santé mentale. Alors en 1976, il profite d'une autorisation de sortie de 48 heures pour s'évader de la maison d'arrêt de Poissy. Une année de cavale, pendant laquelle il commet 6 braquages avec sa compagne du moment, Jacqueline Prost. Bah, fallait bien survivre, se justifiera-t-il, en précisant que c'est la tôle qui l'a formé à la récidive. De planque en planque, le couple de gangsters claque l'argent récolté, mène la grande vie jusqu'à l'arrestation à Paris, rue de Lorraine. Nous sommes en 1977, retour en QHS à Fresnes. Alerté qu'une grève de la faim est en cours à l'étage supérieur, Knobel Spies rejoint la lutte. Il est chargé de rédiger un cahier de doléances. Parmi les demandes, un parloir rapproché par semaine, un comportement moins agressif du personnel. Très vite, la révolte est matée. Lors de ses promenades confinées, il fait la connaissance d'un certain Jacques Mérine, l'ennemi public numéro 1, et l'autolard écrivain devient ami. Avec d'autres, comme François Besse, surnommé le roi de l'évasion, il crée le collectif contre les QHS et le syndicat des évadés. Oui, ça existe. Peu à peu, Knobel Spies troque le revolver contre la plume et écrit des tribunes publiées dans Libération, des annonces d'actions collectives. Il met en lumière l'acharnement judiciaire, l'arbitraire et les abus de pouvoir qui étranglent la population carcérale. Sa plume en dérange certains, évidemment, et en inquiète d'autres, bien sûr. Roger se lance alors dans la rédaction de son premier livre, QHS, préfacé par Michel Foucault, sorti en 1980 chez Stock, alors qu'il est encore incarcéré. Il décide toutes les nuits de vous envoyer la lumière toutes les demi-heures. Il décide à quelle heure vous devez manger, ce que vous devez manger. Il décide à quelle heure vous devez vous coucher, comment vous devez dormir, la tête face à l'œilleton et jamais la tête sous le drap. Sinon, il tape des coups dans la porte. Il décide qui doit être envoyé en haute sécurité, en raison de son esprit critique ou de sa non-acceptation des décisions qu'on prend pour lui. Il décide qu'ils peuvent vous faire prendre des neuroleptiques et vous éteindre le cerveau si vous n'avez pas la force de recracher ce poison. Depuis 1975, ils ont décidé de 200 suicides de détenus. Le livre QHS est un cri sur 200 pages. Le hurlement d'un homme de 33 ans, brisé, emprisonné pour 800 francs. Très vite, le succès est au rendez-vous. Avec 300 000 exemplaires vendus, la France découvre alors le visage de Roger Knobel Spies, son dos voûté, sa calvitie naissante. Son comité de soutien, créé par sa compagne Elliette, se consolide. Il est animé par l'actrice Simone Signoret et compte dans ses rangs Marie Cardinal, Claude Mauriac, Yves Montand, Léo Ferré, Jean Genet, André Glucksmann, Volinsky ou Guy Bedos. Jacques Higelin lui dédicacera même une chanson, ballade pour Roger. Toujours derrière les barreaux, le prisonnier devenu animal médiatique s'attelle à la rédaction d'un second ouvrage, L'Acharnement. Je peux plus dormir. Je peux plus rêver. Je ne suis pas sûr demain de me réveiller. On a beau me dire tout ce qu'on voudra, je ne suis pas sûr que demain le jour se lèvera. Je peux plus dormir, je peux plus rêver. Qu'un ami ou un amour seront enfermés, tant qu'on laissera une innocence derrière les barreaux de la loi. Le 26 octobre 1981, Knobel Spies comparaît devant la cour d'assises de Seine-Maritime à Rouen pour les braquages commis pendant son année de cavale. Il reconnaît les faits, mais les attribue à l'engrenage du désespoir. Dans la salle aux tapisseries bleues et au plafond à caissons dorés, l'avocat général Jean Vérac appelle les jurés à la clémence, mais pas pour la célébrité de l'accusé. Dans la conception qui est la mienne, dit-il, il s'agit de tenir compte des hommes, des circonstances, autant que des faits eux-mêmes. L'avocat de Knobel Spies, maître Henri Leclerc, ajoute « Cet homme a assez souffert ». Le 31 octobre 81, le verdict tombe. 5 ans de prison pour 6 braquages. Fait rarissime, la cour précise dans son arrêt qu'elle souhaite l'octroi au condamné d'une mesure de grâce. Il s'agit en fait pour la justice de laver la douteuse condamnation de 72, comme pour réparer une erreur judiciaire. Mais c'est trop tard, lancera Knobel Spies. Pourtant, le 27 février 81, le garde des Sceaux, Robert Badinter, supprime les QHS. Knobel Spies en est certain, c'est son livre qui a changé la donne. Le 6 novembre, il est libéré et quitte la prison de Melun. Il vient d'être gracié par le nouveau président François Mitterrand. Il a 34 ans, et Eliette, sa compagne, l'attend devant l'entrée de la prison. Claude n'a pas pu venir, mais il est là. Vous attendiez. Oui, j'attendais, oui. Alors, égoïstement, je suis très content de sortir, hein, mais intellectuellement et moralement, je suis très douloureux parce que je pense à tous ceux qui restent et on continue de martyriser des gens en prison, et ça, c'est difficile pour moi, je vais l'emporter avec moi. Et les quartiers de sécurité ont toujours existé. D'une manière plus ou moins sournoise, mais ça a toujours existé, l'administration financière a toujours les moyens de mettre à la raison les individus, les gens. Et, les quartiers de sécurité sont l'héritage direct de la révolte dans les prisons en juillet 1974. Et la plupart des gens qui sont en quartier de sécurité ne sont pas dangereux, seulement ce sont des gens qui ont l'esprit critique, qui veulent pas qu'on parle en leur nom, qui... Vous savez, il faut rendre la parole aux prisonniers. Comment est-ce qu'on peut accepter que les prisonniers français n'aient pas droit à la démocratie? C'est une chose que j'ai jamais pu comprendre. Le gracié de la gauche que vous venez d'entendre indigne la droite. Sa libération est perçue comme une provocation. Knobel Spies, lui, trinque avec des politiques. Pierre Mauroy, Pierre Bérégovoy, Yvette Roudy lui demandent son avis lors de cocktails guindés dans des salons tamisés d'hôtels particuliers. Il est reçu à l'Élysée, oui, dîne chez Bedos et Signoret, boit un café avec Jeunet, rue des Martyrs, à Paris. Il traîne également dans les locaux de Charlie Hebdo avec l'équipe du journal satirique qui le félicite à grands coups de blagues lourdes sur sa libération. L'ex-détenu enchaîne les plateaux télé, toujours contre le système carcéral, pour parler aussi de ses co-détenus. Dans le minuscule studio parisien, sous les toits qu'il partage avec sa compagne, guère plus spacieux qu'une cellule, les projets fleurissent. Mais très vite, Knobelspies se sent dépassé par son personnage. Malgré les contrats d'édition, il renoue avec ses amis toujours, des voyous. Dans la nuit du 23 au 24 septembre 1982, une fusillade survient rue des Sauniers à Saint-Pierre-les-Elbeufs contre la police. Les tireurs, Michel Baron, garagiste de 35 ans, et Jacques Knobelspies, 34 ans, le frère de Roger, dont Baron est le pote de toujours. Il n'en faut pas plus pour qu'on soupçonne Roger d'avoir participé à la fusillade. Alors il écrit au procureur de la République de Rouen. Il est innocent. Il a un alibi, mais il affirme qu'il ne veut pas venir s'expliquer devant la justice, persuadé qu'il va être incarcéré le temps de l'enquête. Or, retourner au placard, jamais. Donc, la fuite. Le voilà recherché par la police, en cavale, de nouveau. La journaliste Sylvie Marion réussit à le retrouver pour France 2. Il est dans sa planque, assis à côté de sa compagne, Eliette, sur un canapé. Il s'explique. Nous sommes le 25 septembre 1982. Donc vous étiez dans la région parisienne à faire trouver. J'étais dans la région parisienne. À 23h30. À 23h30. J'étais dans la région parisienne depuis à peu près 21h. J'ai quitté le bœuf vers 20h, je suis arrivé aux alentours de 21h à Paris, à la gare Saint-Lazare. Bon, la question, c'est qu'à Elbeuf, il y a quelques temps, pour une infraction au code de la route, on m'a gardé 3 heures à vue. On m'a mis les menottes, on m'a mis en cage, on m'a fouillé. Je suis le seul Français à qui on a fait ce genre de choses. C'est pas normal. J'ai rien à voir dans cette affaire, que j'ai un alibi irréfutable. Les accusations portées contre moi par les magistrats et par le policier, c'est une accusation grave. Je vais réagir comme j'ai envie de réagir. Une fois 12 ans d'erreur judiciaire, je peux vous dire que ça suffit. Knobelspies se présente finalement au parquet de Rouen le 6 octobre. Entre-temps, la police enquête sur une autre affaire, celle du 24 mai 1983. Et une fois de plus, elle le croit impliqué dans l'attaque d'un fourgon blindé près de Palaiseau dans l'Essonne. Un hold-up pour un butin de 20 millions de francs. Lui, Knobelspies, dénonce un acharnement. Ça continue. Quelques jours plus tard, alors qu'il prend du repos en famille avec Michel Baron au camping du Phare, camp de vacances Montfleur, il est arrêté. Retour à Fleury-Mérogis. Sa lutte pour de meilleures conditions de détention reprend illico et parfois sous la forme d'action choc. Un jour, en 84, en promenade, entouré de 6 prisonniers, le groupe interrompt sa marche. Chacun sort son couteau de cantine et se coupe une phalange et la met dans une enveloppe, destination à la place Vendôme pour le garde des Sceaux. Une action si rapide que les gardiens n'ont pas eu le temps d'intervenir. En janvier 86, Knobelspies est acquitté par la cour d'assises pour le braquage de Palaiseau, le fourgon blindé. Aucun témoignage contre lui n'étant assez convaincant dans ce dossier, la peur de l'erreur judiciaire plane, Roger sort, libre. Mais un an plus tard, celui que l'opinion pensait mener une vie rangée des voitures est pris la main dans le sac. Le 6 avril 87, deux hommes s'engouffrent dans la succursale de la Banque Populaire de la petite ville de Thuir, dans les Pyrénées-Orientales. Un braquage presque banal. Après avoir vidé les caisses, les deux gangsters montent chacun dans une voiture. S'ensuit une course-poursuite avec la police. Flagrant délit pour Knobelspies. Celui qui s'oppose aux victimes de l'appareil judiciaire est indéfendable. La prison, encore, et la presse qui s'interroge, mais enfin, qui croit encore Roger Knobelspies. Ambiance. C'est vous les vrais criminels, les journalistes. Vous êtes des criminels. Rectifiez tous les mensonges que vous avez dit. Vous, les médias, raison, vous avez raison, Roger. T'as bien fait, Roger. T'aurais pas dû revenir ici. Ils peuvent dormir tranquille, les jurés. T'as eu raison. C'est un repère. On t'aurait aidé à t'enfuir, Roger. C'est un repère. Le 10 avril 87 s'ouvre le procès pour la fusillade d'Elbeuf survenue en 82. De nombreuses personnes acclament Roger Knobelspies. Les flashs crépitent, Raz et Lepré, habillé d'un pull blanc. Le gangster écrivain n'est plus le même avec les journalistes. Non, il refuse d'être filmé. Il arrive le dernier dans le box des accusés, il ne répond pas à l'interrogatoire d'identité. « Êtes-vous autre chose qu'un incorrigible délinquant ?» lui demande le président. Une semaine plus tard, il est condamné à 7 ans de prison par la cour d'assises de Rouen. Retour à la cage, départ. Alors il continue d'écrire. En 88, Marie Rivière, actrice fétiche d'Éric Rohmer, officialise sa relation avec Roger dans son livre intitulé « Un amour aux assises ». Leur enfant, François, naît un an plus tard. S'ouvre alors le 4e procès en cour d'assises pour le délinquant le plus célèbre de France, en tout cas pour son action politique et littéraire. Ce procès se tient à Perpignan pour le braquage de tuyères, la banque, celui où il a été pris en flagrant délit. L'atmosphère est lourde, les lumières de la salle d'audience rendent les visages livides, tous. Deux femmes témoignent pour Nouvelle Spice. Une dit Elliot, son ex, qui l'a défendu sur tous les fronts pendant 10 ans, et Marie Rivière, sa nouvelle compagne, qui répond au micro de France Inter. S'il prend encore des années en plus, je peux vous dire que Roger ne survivra pas. Il a déjà 24 ans de prison derrière lui. Il en reste encore 4 à faire. S'il en prend davantage, moi je sais qu'au-delà de ces 4 ans, c'est fini. De toute façon, ce sera fini. Je ne vais pas attendre encore 10 ans en plus. Je ne suis pas prête à accepter qu'il prenne 10 ans en plus, même si on est coupable sur cette affaire. Après 4 heures de délibéré, à minuit, Roger Knobelspies, 42 ans, est condamné à 9 ans de prison. Une peine confondue avec les 7 années de réclusion prononcées contre lui en 87. Il va donc sortir bientôt, dans 2 ans. Et de fait, le 14 août 1990, il bénéficie d'une libération conditionnelle. Et si désormais il sortait de prison pour ne plus y revenir, enfin, après 26 ans passés derrière les barreaux, il veut devenir un citoyen normal, mais pas vraiment lambda. Car c'est à nouveau la télé. Il sort son 8e ouvrage et joue dans plus d'une dizaine de films avec Jean-Pierre Mocky notamment. Il défile pour un grand couturier, son œuvre littéraire séduit la critique. Un an plus tard, insolence toute une globe clomespienne, il lance sa marque de bijoux sobrement intitulée « Bijoux volés ». Bon, bien sûr, il a quelques couacs, comme lorsqu'il casse la mâchoire à coups de poing du nouveau compagnon de Marie Rivière, en 94. Lors du procès, on implore la clémence, avec tout ce qu'il a vécu. Tout ça, c'est l'affaire de son avocat, ça. Et ça marche. 6 mois avec sourcils. Là, l'ancien tolard décide de se retirer de la vie mondaine, direction le Tonnerrois, dans l'Yonne. Il y retape des vieilles voitures, aux côtés de son seul compagnon, un chien appelé Plumeau. Mais dans sa campagne, Knobelspies lutte toujours. Sous François Hollande, par exemple, il milite pour le rétablissement des grâces présidentielles en menaçant de se couper à nouveau une phalange. Le 17 février 2017, il s'éteint à l'âge de 69 ans. Roger Knobelspies est entré par effraction dans l'éternité, comme il l'avait dit lui-même à propos du décès de son ami Mesrine, ou Mérine. Signe particulier, il n'a jamais décoléré. Toujours à militer pour ses copains restés à Fresnes, Fleury, Colmar. Il incarne la révolution elbeuvienne, les petits quartiers, les pauvres. On s'en sort, on tire et parfois on fait des bêtises. Mais est-ce qu'on a vraiment le choix? Il faut bien manger, déclare à ses funérailles un ami des clopes, un pote d'Elbeuf. Or, quand la justice a condamné Roger Knobelspies à plusieurs reprises, c'était parfois en dépit de preuves suffisantes, ce qui est un drame. Parfois jusqu'au harcèlement, peut-être à cause des engagements du détenu contre le système carcéral, ce qui serait un déni de justice. Mais c'était aussi, de la part de cette même justice, l'occasion de lui rappeler que tous les gamins pauvres n'ont pas forcément versé dans la délinquance. Question de conscience, question de droit. J'ai jamais tiré sur personne. J'ai voulu être un perdant qui gagne 20 ans de prison. Encore 10 ans suspendus au-dessus de ma tête. Je ne sais même plus si je suis vivant ou mort. En te perdant, j'ai perdu mon âme. Nul être pour moi fut source d'autant de bonheur. Te souviens-tu de ces routes d'Italie, quand je m'allongeais sur toi regardant le ciel, et que tu conduisais, heureux, ton corps chaud contre le mien? Rien. emprisonné depuis 2 ans. Je tourne dans ma cellule jusqu'à épuisement. Le sentiment d'être né en captivité, de ne plus rien ressentir. Je veux pas perdre ta main. Je veux pas qu'on nous sépare. Je veux pas que mon enfant meure à force de désespoir. S'il faut dormir, ne plus rêver. C'est long d'être sans toi. C'est difficile à vivre. Se reposer, oublier chaque jour qui s'en va. Je voudrais briser ta cage. Je veux bien dormir entre tes bras. Écarter tes barreaux. Fermer les yeux pour mieux sentir ton cœur qui bat. Je voudrais que tu vives. Fermer les yeux pour mieux sentir. Je voudrais que tu vives. Ton cœur qui se bat. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'histoire de Roger Knobelspies, dont nous allons parler avec notre invité Dominique Simoneau. Bonjour. Bonjour. Vous avez été journaliste pour Libération, journal dont on a beaucoup parlé pendant le récit, avant de rejoindre la rédaction du Canard Enchaîné, où vous avez publié chaque semaine une chronique judiciaire intitulée Coup de barre. Avant de vous lancer dans le journalisme, vous étiez éducatrice au sein de l'administration pénitentiaire, vous avez écrit plusieurs ouvrages sur la justice, et aujourd'hui vous êtes contrôleur général des lieux de privation de liberté. Dites-moi, ça c'est encore un coup du politiquement correct, les lieux de privation de liberté, pourquoi on ne dit pas prison, mais est-ce qu'il y a d'autres lieux justement? Ben, c'est parce qu'il y a d'autres lieux, voilà, justement. C'est justifié. Il y a les. Oui, c'est pas la peine que je vous les énumère. Non. Bon. Alors, ah, prison, et puis si, peut-être. Prison, les centres éducatifs fermés pour mineurs, les quartiers mineurs des prisons, les hôpitaux psychiatriques, les soins sans consentement, du moins, les soins sans consentement, les centres de rétention pour les étrangers sans papier. Voilà. Donc, il y en a beaucoup d'autres. Mais j'avoue que je serais pas contre si vous nous aidiez à trouver un terme plus simple. Ouais, c'est vrai, lieu de privation de liberté. Oh, cela dit, ça rappelle aussi que la prison ne doit pas être autre chose qu'un lieu de privation de liberté, c'est assez lourd comme ça. C'est tout à fait vrai, oui. Alors, puisque vous êtes contrôleur général des lieux de privation de liberté, quel bilan des prisons françaises? On a parlé à tort ou à raison, apparemment à juste titre, d'une situation des prisons en France qui était indigne de la démocratie que la France représente. Hein. Oui. Je crois qu'elle a été attaquée plusieurs fois par la Cour européenne des droits de l'homme sur ce point-là. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ça s'est amélioré? Et si oui, qu'est-ce qui s'est amélioré? Ah ben non, ça s'est pas amélioré. Ah oui, d'accord. D'ailleurs, la France... Pardon. Non, je vous en prie, vient d'être condamnée à 2 reprises par la Cour européenne, justement, pour sa surpopulation endémique. La Cour l'a appelé à mettre fin à cette surpopulation. Et le Conseil constitutionnel, institution française, et la Cour de cassation, en tout cas, l'ont enjoint de faire la même chose et de faire sortir les personnes qui étaient détenues dans des situations indignes. Le Conseil constitutionnel lui a donné jusqu'au 1er mars pour légiférer. Pour le moment, rien n'est prévu pour faire sortir ces gens. Une sorte de projet de loi, non, il n'y a rien du tout. Et qu'est-ce qui provoque ces conditions indignes? Est-ce que c'est la surpopulation ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs? Ou est-ce que la surpopulation explique tout? Non, la surpopulation n'explique pas tout, mais elle explique une grosse partie de ces conditions indignes. Parce qu'évidemment, quand vous êtes 3 par cellule dans 9 mètres carrés, ou même 2 dans 6 mètres carrés, vous n'êtes pas très bien installé, avouez-le. C'est clair. Hein. En plus, il y a des endroits très vétustes, il y a des endroits... La France vient d'être condamnée là en raison... par le Conseil d'État s'y est mis aussi à la suite du tribunal administratif parce que un détenu de la prison de Nanterre a montré qu'il était envahi de rats, de cafards et que sa cellule était dans un état de pourriture avancée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas... Il n'y a pas que la surpopulation qui explique ça. Mais la surpopulation y est évidemment pour énormément. Ouais, ne serait-ce que d'un point de vue mécanique. Mais voilà. Après, il y a autre chose. Est-ce que ça veut dire qu'on considère encore, en France, que le prisonnier représente la lie de la société, ce qu'il y a de plus bas et qu'il a droit à rien? Est-ce que c'est cette ce sentiment-là, car il a prévalu. Il a prévalu, mais je pense quand même qu'il y a eu une prise de conscience en 2000, notamment quand l'Assemblée, le Parlement, et particulièrement le Sénat, a publié un rapport qui s'appelait « Prison, une humiliation pour la France oui. », dans lequel il relevait toutes les atteintes aux droits de l'homme qui se passaient en prison. Et ce que je regrette, c'est qu'il y a eu un grand mouvement en faveur des prisons à l'époque, comme dans les années 70, un peu que vous rappeliez, ou 80, à l'époque de Knobelfis. Et je regrette que ça ait pas eu de suite. Ça en a des petites, mine de rien, parce qu'il y a des petites avancées. Mais là, disons qu'on est pris dans une frénésie qu'aggrave le Covid. J'allais vous en parler, parce qu'il y a eu le sida aussi, qui a fait des ravages en prison, qui continue de le faire d'ailleurs. Et puis il y a le Covid, parce que en prison, on estime peut-être que c'est surtout pas la priorité. Or, ce sont des humains aussi. Ça devient très préoccupant. Là, moi, les directeurs de prison que j'ai eu au téléphone m'ont dit on ne peut plus pousser les murs. Il y a 1000 entrées supplémentaires par mois en prison. On va bientôt retourner au seuil, on était à 72 000 l'an dernier, quand Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, a pris des ordonnances pour faire sortir un certain nombre de personnes de prison, des détenus qui étaient à 15 jours, à 1 mois, 2 mois de leur fin de peine. Je le dis tout de suite, c'était ni de dangereux violeurs, terroristes, assassins, pas du tout. C'est des gens qui, aujourd'hui, seraient de toute façon sortis, qui sont sortis accompagnés par des juges d'application des peines et des services pénitentiaires, et qui donc, j'ai le cœur à le penser, sortiront meilleurs qu'ils n'y étaient rentrés, parce que on les aide à la sortie. Bon, et bien là, aujourd'hui, alors que ça remonte, on est remonté à 63 000 prisonniers, on était descendu à 58 000, rien n'est prévu pour que des gens sortent. Or, le Covid a connu, depuis début janvier, une hausse de 165% dans les prisons. Alors, comment ça se passe, chiffres. Comment ça se passe dans les prisons? Ils ont des gestes barrières, des masques? Oui, tout à fait. Il y a des masques. Il y a des masques pour les détenus, pour le personnel pénitentiaire. Les gestes barrières à trois dans une cellule, c'est un peu compliqué. Enfin, on imagine qu'ils sont négatifs. Toutes les activités sont suspendues. C'est-à-dire il y a plus de boulot, il y a plus d'enseignement, ce qui fait que énormément de détenus sont en décrochage scolaire et tout le monde s'en inquiète, qu'ils s'ennuient comme c'est pas permis puisqu'il y a rien à faire. Oui, ça c'est double peine, ce qu'elle veut dire. Ouais. Plus la trouille d'attraper le Covid, parce que les unités de vie familiale, c'est-à-dire les rencontres parents-enfants qui avaient lieu avant sont interdites, les parloirs sont derrière des plexiglas et donc ce dont s'inquiète l'administration pénitentiaire, c'est que les seuls facteurs d'entrée du virus, maintenant, ce sont les surveillants, qui sont également touchés par la pandémie. Eh oui. Ça peut mettre une ambiance explosive. Et puis, imaginez que les variants, il paraît qu'ils sont beaucoup plus féroces que ce qu'on a connu, entrent en prison, c'est un milieu clos. Nous, au contrôle général, on ne comprend absolument pas pourquoi il n'y a pas une stratégie de vaccination qui est mise en place? Pourquoi ils font pas partie des priorités finalement, au bout du compte? Les détenus et les surveillants et le personnel pénitentiaire. Aujourd'hui, il y a eu moins de 10 vaccinés. On se retrouve, Dominique Simoneau, dans 3 minutes après avoir écouté Dark Side, Liberty Bell. Dominique Simonneau, nous avons donc parlé de l'état des prisons en France, puisque vous en êtes la contrôleuse générale, des lieux de privation de liberté, je rappelle. Ne vous moquez pas. Hein. Mais surtout pas. Si, si, je l'ai bien senti. Ah bah oui, les lieux de privation de liberté, la formule. Bon, on va maintenant reparler de Roger Knobelspies, le personnage central de l'histoire que nous avons raconté. C'est un homme qui tombe, et on peut dire que le point de bascule, je pense, hein, que le point de bascule dans sa vie, c'est cette condamnation à 15 ans de prison pour 800 francs. Hein. C'est, il le ressent comme une énorme injustice. Est-ce que c'est une justice de classe qui s'exprime là, sachant d'où il vient, ce Knobelspies? Ah, je le pense très nettement. Hein, ça, alors là, oui. Oui, je pense qu'il a, il a eu raison. Il a pas, par, je sais pas s'il a employé ce mot justice de classe, mais c'en est clairement une. De même que les comparutions immédiates aujourd'hui, vous savez, cette justice expéditive qui est la première pourvoyeuse de cellules en France, c'est une justice de classe. Le 80%, 90% des gens qui comparaissent sont pas des enfants de, sortent pas de, des beaux quartiers. Lycée Henri IV, hein, non, non, non. Sortent pas des beaux quartiers. Et donc c'est ce qui construit sa révolte. Et puis alors tous les prisonniers révoltés n'ont pas non plus son talent, je veux dire son talent littéraire, son talent oral, et puis aussi le talent de sa motivation, parce qu'il faut quand même être très motivé. Quel regard vous portez sur cet homme, et sur ce qu'il a fait, et sur les conséquences de ce qu'il a fait sur les changements dans le système carcéral français? Il était dans un mouvement, vous l'avez rappelé, il y a eu le GIP, là, le groupe Information Prison, qui rassemblait des prisonniers, et puis des avocats, dont Maître Henri Leclerc, qui a d'ailleurs défendu les mutins à plusieurs reprises. Je vous conseille un film qui s'appelle Sur les toits de Nicolas Drolic, qui c'est la prison de Nancy, la mutinerie. Oui, nous avions raconté cette histoire dans Affaires Sensibles il y a trois ans. Formidable, n'est-ce pas? Bon bah, Henri Leclerc a défendu tous ces gens, il a défendu Roger Knobelspies, et qui trouve sa place dans tous ces détenus un peu emblématiques, qui se sont battus non seulement pour eux, mais pour les autres. Et bah, c'est admirable. Moi, j'ai eu l'occasion de le croiser 3-4 fois dans des réunions, des petites réunions où il allait sur les prisons pour demander la sortie d'un tel ou un tel, insister pour que des longues peines, des gens condamnés à perpète, voient leur peine ramenée à des mesures, à disons une taille plus normale, plus raisonnable. Et j'ai toujours admiré chez ces gens-là, chez lui comme chez d'autres, cette obstination à... Parce qu'ils en ont pris quand même, on peut dire, plein la figure. Oui. Parce que la rébellion, mine de rien, surtout à l'époque en prison, c'est un peu changé quand même. Ça n'est pas facile non plus et c'est assez rude aussi. Mais à l'époque, c'était quand on voit le film, hein, on voit ce qu'on leur faisait aux mutins, c'était pas facile. J'ai toujours eu une admiration et puis pour cette façon de prendre la plume, d'écrire, de convaincre tous les citoyens que quelque chose n'allait pas là-dedans, parce que mine de rien, quand on entre en prison, il y a le côté punition, puis il y a le côté, même si ça vous paraît très judéo-chrétien, je rentre, je vais sortir un peu meilleur que je suis entré, mais il n'empêche que c'est pas un vain mot, c'est pas une bêtise. Oui, c'est ce qu'il faudrait. Normalement, ce serait un dû pour les prisonniers. La société doit être capable de les faire sortir meilleurs. Oui. Qu'ils étaient lorsqu'ils sont rentrés. Ça, c'est de la responsabilité de la société aussi. Hein. Bien sûr, et c'est donc de notre responsabilité à tous de mettre dans les prisons de l'enseignement, du travail, j'ajouterais dans des conditions normales, ce qui n'est pas le cas, du travail, des rencontres, des ateliers, d'écriture, de l'enseignement, quelque chose qui donne aux gens l'envie de devenir autre chose. Une fois, j'étais à un procès, j'ai entendu un type, un jeune, qui disait que lui, en prison, il avait croisé un pâtissier qui lui avait appris à faire des gâteaux, mais il en parlait avec passion, et il nous a donné des recettes, et il a dit que dans la cellule, il cuisinait pour les autres, et bah, même si ce type a été condamné à cette audience, je me suis dit, bah tiens, lui, il aura quelque chose entre les mains en sortant, il a une passion, il a quelque chose, quelqu'un lui a donné le goût de faire autre chose. Je sais pas si vous connaissez ce détenu, Berthe Wan, qui fait des BD. Eh ben, qui sont formidables. Eh ben, c'est un surveillant qui lui a dit, mais Berthe, qu'est-ce que t'as? Il l'a vu, il était tout jeune, c'était un braqueur. Il est entré dans la cellule, il dit, mais Berthe, comment tu dessines? C'est extraordinaire. Pourquoi t'en fais pas quelque chose? Et il en a fait quelque chose. Et maintenant, moi j'aime bien, parce que parfois il y a des colloques où il y a des magistrats, et Berthet, il est là à la tribune, et il explique son histoire. Mais des magistrats, des avocats, des pénitentiaires, c'est des histoires qui montrent que, quand même, il y a de l'espoir, simplement, il faut donner les moyens aux gens de s'en sortir, et ne pas recréer non plus les QHS, parce que il y a des endroits, des prisons qui sont tellement sécuritaires que... Vous avez connu les QHS, vous ? Quand vous étiez éducatrice en milieu carcéral ? J'en ai jamais visité, non. Qu'est-ce que vous savez des QHS ? Je lisais avec passion ce qu'on en disait, les dessins qui en sortaient, les photos qui en sortaient, les promenades minables dans des espaces très réduits. C'était ce qu'on a appelé la torture blanche, puisque les gens étaient en plus isolés. Ils ne pouvaient pas se parler et ils ne voyaient personne. Mais vous savez, aujourd'hui, il y a des endroits... Ça existe encore, l'isolement, hein ? Oui, l'isolement, et dans des quartiers, on vous dit, il y a 3-4 prisons en France qui sont extrêmement sécuritaires et dans lesquelles tout est fait dans le cahier des charges qui est délivré aux architectes pour que les gens se croisent de moins en moins. D'ailleurs, Cipriani, l'un des membres d'Action Directe, en est devenu fou. Oui. Et ses co-détenus également, hein, oui. De cet isolement. Je parlais tout à l'heure des oubliettes modernes ou contemporaines. Je ne sais pas si c'était exagéré, mais il y a un peu de ça quand même. Il y a un peu de ça. Quand on met les gens en QHS. À l'époque de Roger Knobelspies, les détenus étaient coupés du monde. Il a fallu du temps. Ce sera notre dernier thème pour que les journaux passent les grilles. Aujourd'hui, comment se fait le lien avec l'actualité? La télé, on est arrivé à un bout d'un processus, disons, acceptable pour les détenus, en termes d'information et d'ouverture sur le monde. Bah, pas encore, parce qu'il y a une espèce de, je sais pas si on peut appeler ça de l'hypocrisie ou un truc tragicomique, burlesque, je sais pas. Bon, il y a la télé en prison, comme vous le savez, ce qui fait dire à certains que c'est la prison de 4 étoiles. Il faudrait vraiment que ces gens-là aillent faire un tour en prison pour voir ce que c'est. Bref, il y a de plus en plus de téléphones dans les cellules. Il n'y a pas d'accès à Internet. Nous, on est très pour l'accès à Internet, d'autant que cet accès à Internet, comme vous avez pu le voir sur, si vous êtes sur les réseaux sociaux ou vous écoutez les infos, il y a des tas de détenus qui ont des portables et qui font sortir des images et qui bavardent donc sur autant, les réseaux autant sociaux. Autant leur ouvrir l'écran. Autant le faire. Le Mexibono, ce sera le mot de la fin. Pardon, je vous en prie. D'accord, ce sera le mot de la fin, puisque le temps qui nous est imparti est terminé. Ce sont des choses qui arrivent. Oui. Merci infiniment, en tout cas, pour votre témoignage. Et au revoir, à bientôt. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Roger Knobelspies. À la technique aujourd'hui, il y avait Mathias à Lyon.